Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. هل المؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة؟ أحسنت. ما الدليل على هذا من القرآن؟ أحسنت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة أحسنت حديث جرير ونادي في الصحيحين. بقي تحريف المحرفين. Ils ont déformé هذه الأدلة et ils ont dit المراد رؤية العلم واليقين. سترون ربكم أي c'est pas pour eux une ru'ya basariya, أي tu vas le voir avec tes yeux. لا, pour eux c'est tu vas être sûr. ما الجواب على هذا؟ أن المؤمن على علم ويقين في الدنيا لا aucun doute. هذا celui qui a compris هذا الباب فالحمد لله. Les autres livres inshallah on essaiera de rajouter قليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. On l'a lu hier هذا dans le matin. On avait dit أمس ضعيف ضعافه وشغل الألباني. نعم. قال أبو العباس حفظه الله قال أخرجه الحاكم وابن عساكر من طريق شهاب ابن خراش الحوشبي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. C'est ça la chaîne de transmission de ce hadith. شهاب يزيد أنس. قال ويزيد منكر الحديث التهمة أي بالكذب. Son hadith il est منكر. C'est pour ça que le muhakkik il a dit ضعيف جدا. قال وشهاب ابن خراش صدوق يخطئ وهو لا يحتمل مثل هذا. نعم. على كل حال يزيد إلى منكر الحديث الشهاب إلى بكت خطأ فسحديث إلى ضعيف جدا لكن المعنى لصحيح. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير وهو كلام صحيح لكن الحديث واهن لمكان الرقاشي. نعم الرقاشي هذا اللي منكر الحديث اللي ضعيف جدا. فالمعنى صحيح على الصوص اللي صحيح. آمنت بالقدر خيره وشره. Dans l'autre hadith صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاستو بارتي اللي صحيحة لا شك avec l'autre hadith. لكن قوله حلو ومره حتى هذا المعنى اللي صحيح لكن الحديث اللي avec ce isnad il est ضعيف. أما le sens du hadith لا شك. Il y a plein d'autres hadiths, plein d'autres dalils من الكتاب ومن السنة qui appuient هذا المعنى. لكن ce hadith avec ce sanad il est ضعيف جدا. هذا والله أعلم. فينتبه لهذا طالب العلم. Tu peux avoir des hadiths ضعيف لكن le sens il est صحيح. لكن المحدث هو يبدي حديث ضعيف. Ça veut pas dire que le معنى est باطلة. أبدا. أنت avec tes recherches tu verras que ce hadith il a des fondements, il a des أصول في الكتاب وفي السنة. فأنت تدلس ce hadith ضعيف et t'appliques les fondements صحيحة. En appliquant ces fondements, tu auras appliqué ce hadith. هذا ينتبه له. Et on avait vu ça avec les frères في شرح البيقونية. on détaille un peu dans les hadiths, montrer la cause du da'v. Il y en a avec les frères, on avait fait le bayakouniya. Wallah alhamd, ceux qui étaient là, ils comprennent le kalam. Fa'alihada, on détaille un peu les ilal, pourquoi il est da'if, foulan, munkar, hadith. Lihada, il y en a les frères, alhamdulillah, ils ont fait. Amma ceux qui n'ont pas fait, ils ne comprennent pas, mitlahada kalam, ça. Tu retiens hadith da'if. Et un jour, il viendra, si tu fais mustalah al-hadith, bi'idnillah, tu comprendras les causes du da'if. Amma celui qui ne comprend pas Amit Lahada Kalam, il n'a pas fait le dars, sahl. Inch'Allah, il le fera plus tard. On revient à Kalam sur Ibn Uthaymeen. Qala l'imam al-Uthaymeen, rahimahullah, al-Sharh. Qala al-Qadr. Min sifatillahi ta'ala, annahu al-fa'al. Hada awwalan. Ta'aqida. Si tu veux bien comprendre le Qadr, awwalan, Allah il fait ce qu'il veut. On avait cité le verset hier, la yus'al amma yaf'al. Ça c'est awwalan. Allah il guide qui veut, il égare qui veut. Et on va voir que dhalik t'as une aqida an Allah il est juste. Il est injuste envers personne à azza wa jalla. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Si t'as cette base, tu vas comprendre facilement bab al-qadr. Tu sais qu'Allah il a égaré Foulan, c'est parce qu'il méritait. Allah il a guidé Foulan, c'est par sa miséricorde. Comme on a expliqué un peu hier, ils ont sous-ordonné Billah. Ils ont un sous-ordonné. Pourquoi Foulan il est garé? Allah il l'a voulu et Allah il est juste. Il aurait mérité d'être guidé, Allah il l'aurait guidé. Allah il est fa'al lima yuri. Qal, fala. يخرج شيء عن إرادته وسلطانه. ثانيا يا rien qui sort du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe, quelque chose qui est dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, petit ou grand, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu. قال ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره بيده ملكوت السماوات بيده ملكوت السماوات والأرض يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذا tous les bienfaits c'est من باب الرحمة. أنت بشيخ معتمين لا pas dit tu mérites لأن أنت ton عمل il est قليل. Allah t'a guidé, Allah t'a créé de rien. Tout ça c'est من باب الرحمة. Celui qu'Allah il égare, c'est bi hikmati. Il y a une sagesse. Allah il l'a égaré li annahu alima anna hadha ash-shakhs mérite l'égarement. Kadhalik on rajoute wa yudhil man yasha bi hikmatihi wa adlih. Ay al-adl c'est la justice. Allah il l'a égaré avec une sagesse que peut-être toi tu connais pas. Kadhalik al-adl, Allah il est juste. لا يسأل عما يفعل أي الله عز وجل لكمال حكمته وسلطانه. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui demande des comptes à son serviteur. C'est toi qui vas être interrogé يوم القيامة. أما الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut, il guide qui veut, il égare qui veut, il crée ce qu'il veut عز وجل. Tout ça bien sûr avec حكمة et عدل. Il n'y a pas d'injustice أبدا. قال وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون. المربوب c'est le مخلوق. الرب c'est le خالق. المربوب c'est le مخلوق. محكومون أي ils sont تحت حكم الله عز وجل. قال والإيمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم وغيره. الشاهد والقدر خيره وشره. هذا من أركان الإيمان. هذا من أركان الإيمان. parmi les piliers de la foi, الإيمان بالقدر. chaque مسلم doit avoir هذا الإيمان. et c'est ce qui détaille الآن شيخ ابن عثيمين. قال شيخ ابن عثيمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. on a dit le hadith il est ضعيف جدا. on a dit فيه يزيد. يزيد الرقاشي لمنكر الحديث. قال فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته. الله لا تو ديكريتي. il a tout écrit fil l'ouh il mahfoud azza wa jal. Que ça soit al khayr ou al shar, le bien ou le mal. Al khayr c'est wadih. Lakin ba'd an nas, ils ont du mal à comprendre an Allah il a décrété le shar, le mal. Si t'as compris la muqaddima qu'on a fait an Allah subhanahu wa ta'ala il a l'hikma al-baligha. C'est l'alim, c'est le khabir, c'est le hakim. Azza wa jal, bi'idnillah, t'auras aucun mal à comprendre. Li'anna ce mal qui a été décrété, c'est bi'hikma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son décret, son hukm, kulluhu khayr. Tu vas comprendre que le mal il est fi ma'adha. T'as indaman? Quand on dit al-qadar khayrihi wa sharri, le mal il est dans quoi? Al-shar il est fi amal al-makhlouq. Matalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que Foulan, il allait tuer Foulan. C'est du char. Le décret d'Allah, il est khayr. Tu ne peux pas dire que c'est du char. Qala alayhi salam, wa laysa shar ilayk. Le décret d'Allah, il est khayr. Lianna, ce meurtre, il y a une hikmah. Peut-être que cette personne, il serait resté, il serait garé. Allah, il a qadr qu'il meurt. C'est mieux pour lui. Alors peut-être que cette personne qui a fait le meurtre, il va regretter. Matalan yuqam alayhi al-had, il regrette, il fait tawba, il y a un khayr. Tu remarqueras toujours, il y a du khayr. Fa fi'lullah, il est khayr. Lakin le shar, il est l'acte de la personne. Et l'acte de la personne, il fait partie du qadar. C'est pour ça qu'on dit le qadar khayrihi wa shar. Aïe, le shar, il est fil maqdour, fil makhlouq. Amma fi'lullah, kulluhu khayr. C'est ce qu'il va citer l'an, Cheikh Ibn Uthaymeen. Qal wa khayru al-qadar ma kana nafi'a. وشره ما كان ضارا او مؤذيا مثلا الله لا قدر كفلان الى القران سيد خير القران سينتفع به في الدنيا والاخره سي لي سانسير اي لابليك من on a dit من القدر des choses des amal c'est شر que l'être humain fait ضارا ومؤذيا مثلا être injuste envers son voisin c'est du mal c'est du شر ça c'est du qadar illah. قال جمع تيمين والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته. C'est ça أنت كيف تقول. أما أصل القدر الذي هو علم الله أي الله اللي يكخي في اللوح المحفوظ ça c'est خير لأنه من علم الله عز وجل ça c'est خير الله اللي حكمة. أما الشر ça c'est le مخلوق الشر ينسب إلى المخلوق. Je dis matalan, Fulan il a fait une mauvaise chose. Qala fa inna minhu ma yakun khayran ka at-ta'at wa as-sihha wa al-ghina. Tout ça c'est min al-khayr. At-ta'at, مثل الصلاة, الصيام, الزكاة, wa as-sihha, la bonne santé c'est min al-khayr. Tout ça c'est asluhu c'est du khayr. Qala wa minhu ma yakun sharran ka al-ma'asi wa al-marad wa al-faqr. Khal asl c'est du shar, al-ma'asi c'est du shar. Al-marad c'est une chose qui fait du mal à la personne. Al-faqr kadhal. Qala amma binisba li fi'li Allah fa la yuqal innahu shar. Dès que t'entends al-qadr khayrihi wa sharri, tu peux pas dire que le fi'l d'Allah subhanahu wa ta'ala, aïe son ilm, ou ce qu'il a décrété, ce qu'il a écrit, c'est du shar. La. La. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala la yunsab ilayhi shar. بل الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير عز وجل قال فلا يقال إنه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال وقيني الشر ما قضيت قيني أي بخزغفمو الوقاية قال شيخ ابن تيمين فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه الآن ستميدت شغل الحديث وقيني الشر ما قضيت للشر il est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, aïe le amal matalan de l'insan. Pas le qada en lui-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'appelles ça le maqdi ou le maqdour. Hada l'aboud, il y a un fork entre les deux. Al-an, t'as deux choses. T'as fi'lullah, ce qu'on appelle al-qadar, al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, tout ça. Ça, c'est kulluhu khayr. T'as le maqdour, aïe le amal. Que toi tu vas faire, mais il est décrété par Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, ton amal, il peut être sharr. Une personne, Allah, il a décrété gada. Allah, son fi'l, il y a une hikmah. Lakin, anta, peut-être que cette chose, ça sera du sharr pour toi. Qui c'est qu'un mithal? Ça, أحسنت مثلا القحط الجفاف لا سشخس الله إلا قدر سد فيل pendant un an سشخس c'est du char pour les personnes c'est du char ils ont plus de pluie تفضل أحسنت فعل الله إلا خير لأن cette chose que toi tu vois comme char peut-être que ça va pousser les habitants de cette ville à faire tawba c'est du خير ils ont tout gagné في الحقيقة. Ils font tawbah et ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Zid. Ahsant, ahsant, takrahu shay'an wa huwa khayrun lak. Un autre mithal. Ahsant. Qatala. Al-walad. أحسن قتل الغلام فلهذا موسى عليه الصلاة والسلام quand il a vu Al-Khadir tuer cet enfant à Zahir c'est du char pourquoi tu tues un enfant il a jamais rien fait de mal لكن Al-Khadir c'est un Nabi il a eu la révélation comme quoi l'enfant il va faire du fesad à ses parents il l'a tué c'est un khayr pour les parents il serait resté en vie il aurait empoisonné la vie de ses parents الظاهر pour la personne c'est du char لكن في الحقيقة il y a une hikmah azime هذا ففعل الله il est خير على كل حال في الحقيقة la personne il doit avoir حسن الظن بالله tout ça en taille un muslim ça te pousse à avoir حسن الظن بالله tout ce qui arrive الله il est une hikmah même si toi t'as pas compris et un حسن الظن بالله et demande à الله من فضله اسبر هذا الباب il est مهم pourquoi on répète souvent on a celui qui a une aqidah solide forte aqidah ta'ala sunnah les épreuves il les passe بإذن الله عز وجل لأنه il a cette aqidah الآن بعض العوام il perd un enfant sa vie elle bascule حتى les parents des fois ils deviennent fous les malades ils n'ont pas cette aqidah il se fait voler son argent c'est un char en apparence Allah il a une hikmah peut-être que tu regardes cet argent tu vas t'égarer avec Allah il t'arham on t'a pris ton argent Yom al-Qiyama cet argent fit dunya c'est une fitna pour toi Yom al-Qiyama ça revient en hasanat pas aucune fitna pour toi Allah il a voulu ton khayr lakin la bud min husn dhan billah amma ba'd an-nas ils ont une petite chose khalas ils croient qu'il n'y a que lui qui a été éprouvé hada c'est muhim hada c'est min a'zam al-abwab fi al-aqida kitab al-qadr qala rahimahullah والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. Le destin, il est fondé sur quatre choses. Cheikh Ibn Taymiyyah va les citer. قال الأول الإيمان بأن الله عالم بكسر اللام كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق لقوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أول شيء في القدر القدر اللي فوندي أن الله سبحانه وتعالى يكون تو يسي تو علم ما كان وما سيكون الله يسي تو le passé ce qui va arriver à l'avenir ce qui est en ce moment الله يسي تو les choses apparentes les choses cachées les grandes choses les petites choses الله سبحانه وتعالى يعني كما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض tout ce qui est في السماء والأرض الله يعلم ton iman de Qadar il est fondé sur ça al-amr al-awwal al-ilm ankarahu al-qadari al-awwal il y a une secte wal-iyadu billah ils ont renié ils ont démenti hada ils s'appellent al-qadariya ils les ont appelés qadariya nisba ila al-qadar li'annahum ils ont un problème dans le qadar qalu ils ont dit anna Allah subhanahu wa ta'ala لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله قالوا أن الأمر أنف أي أن الله سبحانه وتعالى أن مثلا on est jeudi اليوم الخميس الجمعة الله يسي با سكي با سباسي دك سباس ثم يسي والعياذ بالله ابن عمر الصحابي الجليل لفيز عمر بن الخطاب إلو انفغمي عن هؤلاء هنا سكون سيتي لكلمات معبد الجهني إلى آخره هؤلاء الزنادقة أن يسوم نفوار عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلو انفغمي إلو دي يا أبا عبد الرحمن بعض الناس en Irak cette bid'a les sortis من العراق ils ont dit يقولون أن الأمر أنف أي أن الله il sait pas ce qui se passe que quand la chose elle est faite والعياذ بالله قال ابن عمر أخبرهم أني براء منهم. Il a montré c'est des kuffar. Je me désavoue d'eux. لأنهم ils ont peu d'iman. لا بد من هذا. لا بد de tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala يعلم كل شيء. Et c'est la martaba الأولى, c'est le premier degré du qadr. فالسلوي كني هذا c'est un kafir. والعياذ بالله. أما ستسكت elle n'existe plus الآن ولله الحمد. القدرية الأول ceux qui avaient une aqida أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد حصوله elle n'existe plus comme a قال شغل الإسلام ابن تيمية. أي un groupe casse aqida. Il peut avoir une personne ou deux ou trois ou plus لكن un groupe كاست عقيدة والله الحمد يقول لكن الفكر يبقى encore موجود. قال الثاني أي المرتبة الثانية le deuxième degré de القدر. قال أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادر كل شيء لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلق الخليقة. قوله قبل أن نبرأها قال سبحانه وتعالى أي نخلق الخليقة. فالله سبحانه وتعالى tout ce qui se passe وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Tout ce qui se passe c'est écrit. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم. 50,000 ans avant la création des cieux et la terre, Allah il a tout écrit dans le kitab. Tout ce qui va se passer. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. كذلك il a écrit. هذا. Il a écrit هذا في اللوح المحفوظ. عز وجل. Fa anta tu crois aux deux. Allah il sait tout. Tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé. كذلك il a tout écrit في اللوح المحفوظ. قال والثالث. Troisième degré. Donc le premier, al-ilm. Le deuxième, al-kitaba. Al-ilm, la science, al-kitaba. Tout est écrit. Al-thalith, qala an la yakun shay fi as-samawati wal-ard illa bi iradatillah wa mashiyatihi ad-da'ira bayna ar-rahma wal-hikma yahdi man yasha bi rahmatihi wa yudhillu man yasha bi hikmatihi wa yudhillu man yasha bi hikmatihi wa 'adlihi. Hadhihi al-martaba elle s'appelle Al-Mashi'a. Ma min shay mawjoud fi hadha al-kawn illa wa huwa mawjoud bi mashiyatillah wa iradatihi 'azza wa jalla. Y'a rien fi as-samawati wal-ard qui se passe illa par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul 'alamin. Hakadha qala 'azza wa jalla. Hadhihi al-mashi'a. Tout ce qui se passe min khayr wa min shar c'est bi mashiyatillah 'azza wa jalla. Le fait de dire maintenant le char, il y a une secte comme on va voir, ils disent que le char, c'est pas Allah qui l'a créé, il a akhiré. Enfin maintenant si une personne, il dit ce char, Allah il l'a pas voulu. Ça implique quoi? Ça implique quelque chose de très grave. Non, ça implique qu'il y a un naqs fi mulkih. Ça implique que, sallallahu alayhi wa sallam, min hadha al-qawl, anna al-an y'a un manque. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala dans son mulk, il y a quelque chose qu'il ne veut pas. Wal-iyadu billah. Allah il fait ce qu'il veut. Fa la shak anna hadha al-shay, c'est bi mashiyatillah. Lakin al-mashi'a al-kawniyya. Qala la yus'al amma yaf'al li kamal hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun. Wa ma waqa'a min dhalik fa innahu mutabiq li ilmihi sabiq wa lima. Troisième martaba. Allah, il sait, il a l'ilm, al-mutlaq, il sait tout. Thumma, il l'a écrit, azza wa jal. Thumma, subhanahu wa ta'ala, il a l'mashi'a. Il a voulu cette chose. C'est bimashi'ati. Al-kawniya, bien sûr. Batalan, Allah, il déteste le kufr. Il l'a pas voulu shar'an. Ah, il n'a pas ordonné à ses serviteurs de faire du kufr, abadan. Lakin, fil kawn, il y a du kufr, sabi mashiyati azza wa jal, il y a une hikma. Qala li qawlihi ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Wa qawlih, faman yuridillah an yahdiyah, yashrah sadrahu lil islam. Wa man yurid an yudhillahu, yaj'al sadrahu dhayyqan haraja. Al-mu'min, wal kafir. La shak Allah, il sait que cette personne, ça allait devenir un kafir. Wa la shak annahu, il est fi mulkillah. خشية الله عز وجل. أي الله إلى الحكمة دكتور صلى الله إلى الحكمة عز وجل. Qui c'est qui nous cite des une ou plusieurs hikmah? Anna y a des kuffar. Allah il a pas guidé tout le monde à l'islam. Il y a des musulmans, il y a des kuffar. Qui c'est qui peut nous citer des hikam fi wujud al kuffar? Naam, fa min al hikam anna Allah il a khalaq al nar et va la remplir min haoula. Si tout le monde serait à l'iman, Al-Nar n'aurait plus aucune utilité. Lakin Allah l'a créé, va la remplir. Anti rahmati, anti ghadabi, qala azza wa jalla. Zid, min al-hikam al-jihad. Min al-hikam kadhalik? Al-hudud, ahsant. Il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait plus had al-ridda. C'est pas wadih. At-tawbah. At-tawbah, c'est min adam al-hikam. Si tout le monde est à l'iman, tout le monde n'y a plus de ma'asi, il n'y a plus de kuffar. Tu vas faire tawbah de ma'ala. Et beaucoup d'autres. Hada ahsantum la ba'as. Qala fa'athbata wuku' al-hidayah wa'al-dhalal bi'iradati. Naam, al-ayah l'importante. Lianna qala azzawajal faman yuridillah an yahdiya. Ça c'est khayr. C'est bi'iradatillah, bi'mashiyatillah. C'est Allah, s'il veut sa volonté, il guide. Qala waman yurid an yudillah. Al-dhalal c'est min al-shar. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit yurid. Aïe. Même l'égarement, c'est avec la volonté d'Allah. Lakin la volonté kauniyya. Allah, il n'aime pas cette chose, lakin il l'a décrété pour une hikmah. Donc le troisième, c'est le mashi'a, la volonté. Qala al-rabi' anna kulla shay'in fi samawati wal-ard makhluq lillahi ta'ala. La khaliqa ghayruh, wa la rabba suwah. لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا الشاهد وخلق كل شيء كل شيء سنغلب le mal et le bien. La quatrième, الخلق, Allah il a tout créé. Il a créé le bien, واضح. Et il a créé le mal, il y a une hikma. On a cité, par exemple, Allah il a créé les kuffars, il y a une hikma. La tawbah, le jihad, l'amr bil ma'ruf, wal nahy anil munkar, et tout ce qu'on a cité. وقال الله على وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. Il y a une secte que Cheikh Ibn Taymiyyah, on va expliquer demain, bi'idnillah, ou le prochain dars. Ils disent أن الله il a créé le khayr, il n'a pas créé le shar. Ils n'ont pas compris le quatrième degré. Allah, il a créé le khayr, il n'a pas créé le shar. Ça implique quoi, hada? Indaman? Ça implique quoi? Naam, mais lakin, ça veut dire que? Ça veut dire? Ahsan, qui a deux créateurs. Si Allah, il n'a pas créé le shar, il vient d'où ce shar? Il vient de quelque part. Ça veut dire qu'il y a plusieurs créateurs. Wal'iyadu billah. قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس ils ont une croyance, le créateur de la lumière, le créateur de الظلمة, l'obscurité. المجوس Allah il a comparé le قدرية qui vont sortir vers هذه الأمة, même chose, créateur du mal, créateur du bien. القدرية مجوس هذه الأمة. هذا c'est grave. نحن ننعقد الله il a tout créé. Amahum ils ont pas créé. Pourquoi Allah maintenant il a créé Fulan, il fait un meurtre, c'est la créature d'Allah. Pour lui il dit là, le meurtre, c'est la personne lui-même qui a créé ça. A'oudou billah. Mais on lui dit, c'est un char, on n'a aucun doute. Allah, il a le hikmah. Allah, il a le hikmah. Maintenant, tu es en train de dire qu'il y a un autre créateur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, bi'idnillah, on détaillera dans le prochain dars. Cheikh Ibn Taymiyyah, il va citer les sectes, les groupes qui se sont égarés dans le qadar. Inch'Allah, ça sera plus clair. Celui qui a un ishkal dans ce dars, il y a de faddal. Ou, naqif, huna. خلاص سي واضح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك